Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, dans vos villes, dans vos campagnes et dans le cyberespace. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Citizen Sleeper, une des sensations du jeu vidéo indépendant de 2022. On va revenir évidemment sur sa création, sur le parcours de Gareth Damian Martin, et puis aussi de ses thèmes, de sa proposition, parce que c'est un jeu qui, derrière son esthétique cyberpunk, nous parle peut-être de notre monde à nous, celui dans lequel vous vivez ici, vous et moi. On verra tout ça. Mais avant, il vous faut peut-être un nouveau PC. Peut-être que vous êtes dans cette phase-là où vous cherchez un nouveau PC. Et bien justement, ça tombe bien, car le sponsor de cet épisode, c'est Top Achat, qui est un site de vente de matériel informatique. Alors évidemment, vous avez des chaises, vous avez des claviers, vous avez des écrans, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout... Mais pas que. Mais pas que, effectivement, mais surtout en fait, de quoi vous fabriquez votre PC sur mesure avec tous les composants qu'il faut. Vraiment, c'est vraiment ça leur expertise chez Top Achat. Non seulement il y a leur config-o-matic qui permet vraiment de personnaliser votre PC comme vous le voulez, avec vraiment des composants de qualité et pas juste des trucs random comme ça. Vous pouvez aussi vous le faire monter, comme ça vous êtes... Vous êtes serein, il arrive chez vous et ça y est, vous pouvez... C'est plug and play, presque. Oui, ah bah, même, non, mais c'est même littéralement ça, parce que du coup, moi, quand j'avais pris mon PC chez eux, vraiment, t'arrives, c'est tout, t'as juste à tout bien déballer, parce que le machin... Il faut déballer quand même, il n'y a pas quelqu'un qui déballe pour toi. Il y a des milliards de trucs partout bien qui sont enlevés, ils te le disent bien, il y a des petites étiquettes, enlevez ça. C'est un moment de trempe, moi, je suis fait... Quand tu reçois un PC, c'est quand même un moment. Ah bah moment. Là, j'étais, tu voilà. vois, j'étais content, quoi. Même le livreur, tu sais, il me regardait du genre... Il savait. On se sait. Ouais, tu sais, il me regardait du genre, oui, c'est un nouveau PC. Et surtout aussi, ce qui est très cool avec Top Achat, c'est qu'ils sont vraiment réactifs sur tous les réseaux sociaux. Donc, si jamais voilà, vous avez besoin de conseils, parce que voilà, chaque PC a son utilisation. Vous n'utiliserez pas la même chose si vous voulez streamer un Starfield en 4K et si vous voulez jouer Undertale. Vous n'avez pas forcément les mêmes besoins, mais c'est tout un spectre. C'est les deux morceaux du spectre. Exactement. Il n'y en a que deux. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, vous pouvez leur poser des questions et ils vous guideront pour trouver vraiment la machine et surtout tous les composants, la personnalisation qu'il vous faut. Et voilà, on les remercie de sponsoriser Fin du Game, on est très heureux de ce partenariat. Nous, on va pouvoir passer au jeu, on va s'écouter un des morceaux de l'excellentissime, j'ai envie de dire, OST de Citizen Sleeper. Elle est rentrée, moi, dans, vous savez, les 5% de musique que j'écoute, qui n'est pas de la musique de Sauvageon. Donc voilà, ça, elle est rentrée là-dedans. C'est un espace assez privilégié. Hein, voilà. Quand tu arrives à glisser quelque chose qui n'est pas durable dans des trucs que j'écoute régulièrement, on est sur du high level. Je sais que toi aussi, Benoît, tu l'as pas mal écouté. De toute façon, moi, j'ai toute une énorme playlist de trucs, puisque l'essentiel de mon travail, c'est d'écrire. Donc j'aime beaucoup avoir du son en permanence pour me concentrer. Et très rapidement, l'OST de Citizen Sleeper, elle est arrivée dedans. En tout cas, ça va être une battle, parce que sur le conducteur, il y avait deux musiques suggérées par Hugo, et Benoît, il s'est dit, c'est pas assez, je vais en rajouter deux, peut-être que... Mais moi, j'ai mis celle que moi, j'aimais beaucoup, voilà, et donc après, je laisserai évidemment DJ Max l'impartial. Parce que je ne sais pas qui a mis quoi, donc moi, je vais, j'en faisais un pour l'intro, un pour l'outro, et puis on verra. Très bien, et bien, on se retrouve juste après ça. Alors, Citizen Sleeper s'est sorti le 5 mai 2022, c'était sorti sur PC, sur Xbox et sur Switch, et puis c'est arrivé là en mars de cette année sur console PlayStation. C'est développé par le studio Jump Over The Edge, et non pas The Edge. Maxime avait fait noter que c'était un jeu de mots extrêmement subtil, donc The Edge, et c'est édité par Fellow Travelers, qui est un petit éditeur, un indé australien, et on l'avait notamment mentionné dans notre épisode sur Paradise Killer, puisqu'ils étaient là aussi derrière ce truc-là. Et puis, voilà, pour d'autres références, ils avaient aussi publié Genesis Noir et Orwell, voilà, qui était... De toute façon, ils ont toute une ligne édito, voilà, sur des jeux assez narratifs. C'est vrai qu'ils ont... pour le coup, tu sais, des fois, on explique qu'il y a des publishers indés qui se cherchent encore un petit peu. A priori, Fellow Traveler, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais, du truc un peu narratif, du texte un petit peu... Voilà. Pas forcément engagé, mais avec quand même un commentaire un peu social, etc. Très bien. Alors, je disais que c'était développé par un studio, mais en fait, en vérité, Jump Over The Edge, c'est une personne, c'est Gareth Damian Martin, et je tiens juste à préciser que c'est une personne qui se définit en tant que non-binaire, donc on va, bah on va respecter ça parce que c'est important pour nous, donc on va utiliser le pronom IL pour parler de cette personne. Après, la langue française étant ce qu'elle est, voilà, c'est pas forcément prévu. L'anglais, ils ont le they qui marche hyper bien, enfin voilà, qui fonctionne parfaitement pour ça. Nous, on n'a pas forcément d'équivalent, donc voilà, on va faire attention au maximum, mais si jamais il y avait une maladresse, voilà, on espère que vous nous en tiendrez par rigueur. De toute façon, on met genre des mots comme guillemets ou espace, donc voilà, espèce. Voilà, espèce. Espèce. Ouais, donc voilà, on peut faire. Ça arrive de faire des erreurs, j'espère que vous n'en tiendrez pas trop compte. Mais donc, Gareth Yale a un parcours qui est assez intéressant parce que Yale a commencé en tant que journaliste, en fait, une grosse carrière de journaliste, notamment chez Rock Paper Shotgun et Edge aussi. Qui sont quand même dans la presse anglophone, ouais. c'est quand même des noms assez. C'est quand même Edge, des références. C'est le magazine. Voilà, Edge, historiquement, c'est vraiment le magazine de presse spécialisée anglophone. Et RPS, en fait, ça a été un site qui a vraiment eu... je vais pas dire que c'est comme Canard PC, mais parce qu'ils ont quand même un peu cette approche très PC centrée. Oui, à la base, c'était ça. Avec quand même cette espèce d'humour, ce côté un petit peu pote, etc. Et du coup, voilà, on retrouve ce délire de l'humour des journalistes spécialisés dans le jeu vidéo, qu'on salue, évidemment. Mais il y a surtout un autre magazine qui est important à citer. Cette fois, c'est un fanzine qui, elle, a fondé, qui s'appelle Heterotopias, qui est disponible en démat, hein. Vous pouvez l'acheter sur Itch.io. Et moi, je l'avais découvert il y a quand même quelques années maintenant parce que c'est un fanzine qui s'intéresse aux espaces virtuels, donc à la fois sur l'architecture, mais aussi le côté artistique. Donc, c'est vraiment des compilations de différentes personnes, d'éditorialistes du jeu vidéo, de critiques qui vont parler de jeux et décortiquer les espaces. Donc, c'est vraiment super intéressant. Alors, disclaimer, c'est le genre de truc que j'achète. En vrai, je lis 3 articles et après, ça reste sur mon PC pendant longtemps. On est dans de la théorisation en fait du jeu vidéo, vraiment, donc c'est des trucs un peu intello, un peu high concept que vous avez peut-être pas forcément l'habitude de lire, mais c'est super intéressant. Et puis c'est des trucs que nous, on essaye de temps en temps de. Bah, c'est cool d'aller jeter un œil. Ouais, voilà, c'est cool d'aller chercher un peu parfois dans des revues de ce genre-là parce que il y a une démarche, comme tu dis, d'intellectualisation du jeu vidéo et c'est important aussi pour nous de se nourrir de ces trucs-là. Et donc ça existe en ligne sur Itch.io et en physique aussi, c'est ça? Exactement, il y a en ce moment même, moment où on enregistre l'émission, il y a une campagne pour acheter, je crois que c'est les 3 premiers numéros plus un gros appendice de 400 pages, je sais pas quoi. Voilà, il y a une édition physique, mais on est quand même sur du 157 perles. C'est édité chez Lost in Cult, qui a un éditeur anglais là, qui est en train de monter. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils s'associent avec Cook & Baker, là, qui est le. Tu sais, c'est ceux qui font tous les posters de jeux vidéo super bien imprimés, que j'en ai plein à la maison. Donc voilà, ça m'a fait rigoler de recevoir un mail en disant qu'ils travaillaient ensemble. Et il se trouve justement que, du coup, Citizen Sleeper, pour les 1 an, a lancé une espèce de campagne de crowdfunding pour acheter un vinyle. Ils ont fait un petit jeu, etc. Donc c'est sur ce site-là. Et Heterotopia, c'est également sur le même site. Donc on imagine qu'ils avaient un bon contact. Je sais pas si je vais craquer, moi, je me tâte. Moi, j'hésite aussi parce que déjà, c'est des bons bouquins à voir. Tu vois, ça peut tenir des portes. Non, mais l'avoir en physique, moi je pense que ça me permettrait de mettre dedans parce que j'aime pas forcément lire un PDF, hein, ça peut aller, vois, mais sur du magazine, surtout qu'il y a des images et tout, c'est plus appréciable d'avoir l'objet comme ça. Mais 157 pounds quand même, donc à voir. Après, tu peux les acheter, je crois, séparément sans l'espèce de gros annexe. Ouais. Ça, c'est des prix beaucoup plus raisonnables quand c'est en numéro séparé. Moi j'hésite, peut-être que ça passera sur la XF Corporation. On verra. Très bien, bon, on verra ça. En tout cas, à côté de son travail dans les médias, IL a aussi. étudier le design graphique, le théâtre, ainsi que la littérature expérimentale. Et elle a un PhD là-dedans. Donc, non, ouais. Mais voilà, c'est, en fait, c'est, je pense que c'est important quand même de présenter ce profil-là, parce que c'est ce genre de critiques qui ont une approche un peu différente du jeu vidéo, qui ont une lecture un peu plus artistique. Mm-hmm. Donc, et forcément, bah, ça va orienter le reste de sa carrière. Et enfin, tu vois, c'est ultra important de le rappeler que de toute façon, c'est des gens en fait qui façonnent aussi notre façon de comprendre le jeu vidéo, parce que bah, RPS, vous, ça vous parle peut-être pas qui nous écoutez, mais Rock Paper Shotgun, c'est un site qui est quand même assez lu, qui fait partie des rares sites qui sont encore en activité aujourd'hui. Et puis qui sont, et puis c'est sérieux, tu vois. Ouais, enfin, ouais, moi, ouais, je sais que je peux lire relativement de RPS, il y a pas de problème. Donc c'est pour ça, dire que en fait, rappeler simplement que dans le jeu vidéo et dans les personnes qui commentent le jeu vidéo, bah il y a des personnes qui viennent d'horizons très différents, et c'est ça un peu qui rend le truc très riche, voilà. Et bah tout après une bonne dizaine d'années à être dans les médias, IEL va se lancer dans la création de son propre jeu, ce qui deviendra In Other Waters. IEL se débrouille pour apprendre Unity, mais voilà, il y aura quand même un programmeur qui va le rejoindre pour pouvoir l'aider là-dessus. Toi, tu avais joué à In Other Waters, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment un jeu d'interface en fait, puisqu'on contrôle en fait, on va être chargé de faire des petites missions sous-marines, d'aller explorer des cavernes, de ramasser des petits fragments, des petits éléments là, pour faire des études scientifiques. C'est tout en interface, ça a toute une esthétique de couleurs en bleu et en jaune, ouais, assez particulière. Ouais, c'est une interface un peu genre sous-marin avec sonar, t'as différents outils en fait, que tu vas pouvoir utiliser, et tu vas devoir un peu déterminer où tu vas te déplacer. Il y a encore ce petit côté un peu gestion-survie qu'on retrouve dans Citizen Sleeper. C'est vraiment un jeu qui est intéressant, moi je vous le recommande, parce que ne serait-ce que pour l'ambiance, il est très très cool. L'OST, elle est incroyable, c'est aussi Amos Roddy qui est au platine. Et c'est un jeu donc, qui était passé sur Kickstarter. Ça, tu vois, je l'ai appris en lisant le conducteur ce matin. Tout à fait, il y a un truc intéressant. Tout à fait. Gareth avait fait un Kickstarter. Yael avait demandé 22 000 livres, hein, puisqu'on est en Angleterre. Exactement. Et Yael en avait obtenu 27. Donc voilà, c'était juste ce qu'il fallait. Mais en fait, après, comme souvent maintenant, quand même, dans les histoires de Kickstarter, il y a un éditeur qui va remarquer le projet. Mm-hmm. Et donc, c'est Fellow Traveler qui l'a contacté par la suite, qui va injecter une dose de cage, et ça va faire son là, de faire le jeu. À partir de 2018, la période de Kickstarter qui finance des jeux vidéo, c'est déjà terminé depuis deux ans. Kickstarter, c'est un outil de promotion et de marketing comme un autre. Bah, en fait, c'est une manière, tu sais, de commencer à construire un truc communauté. Là, un peu de business. Mais en fait, oui, c'est pas suffisant. Enfin, ça existe plus trop maintenant de juste faire un truc Kickstarter. Les machins comme, je sais pas, Hollow Knight, ça y est, c'est quand même un peu derrière nous. Ouais, non, mais même des gros projets, Shenmue, tout ça, je suis pas sûr qu'on en revoie un jour de cette façon-là, parce qu'en fait aujourd'hui, les éditeurs savent qu'on peut en fait financer ce genre de jeu sur la nostalgie, et ça marche, donc en fait ils réallouent des fonds là-dessus, mais c'est vrai que ce genre de gros projets, on en verra moins, je pense, sur Kickstarter. Pas en tout cas si tu sors de nulle part, entre guillemets. C'est plus un moyen aussi de capitaliser sur la communauté que tu as déjà construite avec d'anciens jeux, ou une réputation sur, comme tu disais, la nostalgie ou quoi. Mais là aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus compliqué de se faire voir, parce que maintenant c'est une plateforme, t'as plein de projets dessus. Le jeu, donc In Other Waters, sort en 2020. On est sur 74 à Metacritic, donc c'est pas ouf, mais c'est pas si mal que ça pour un jeu comme ça. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait c'est un jeu qui est assez vraiment dans l'interface. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, vous n'avez pas de représentation concrète de ce que vous faites en fait. Donc vous devez simplement vous balader, c'est comme si vous regardiez votre interface, vous imaginez, je sais pas, moi j'ai La Poursuite d'Octobre Rouge, tu vois, qui me fait penser avec les histoires de sous-marins, mais c'est ça, tu regardes un écran avec un sonar, un radar, tu vois des petits trucs, et il faut que tu te imagines tout le reste. Forcément, il y a un truc qui n'est pas hyper sexy, entre guillemets, même si y a tout le texte, et que, en tout cas, apparemment, l'ambiance est très réussie. Ça réussit quand même à développer un vrai délire. Et puis, ça va se confirmer justement avec Citizen Sleeper. En fait, dès après la sortie d'In Other Waters, Gareth va rempiler et se remettre à travailler sur un nouveau projet. Mais cette fois-ci, il y avait quand même une envie de beaucoup plus s'inspirer du jeu de rôle, notamment papier, avec un jeu qui elle cite beaucoup. beaucoup qui s'appelle Blades in the Dark. Bon, je ne connais pas le système, je ne vais pas faire le mec connaisseur de jeux de rôle, mais en tout cas, Gareth en parle beaucoup. C'est un jeu qui elle l'a inspiré dans la création, et notamment sur ce système de cycle pour te pousser à faire des choix. En fait, un cycle qui recommence un peu de manière journalière pour te pousser à faire des choix, et puis différentes factions voilà qui coexistent. Alors même si c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve totalement dans Citizen Sleeper, il y a quand même des gangs, il y a des trucs, donc il y a un petit peu cette idée là des choix dans le sens, j'imagine, de toute façon on en parlera pour le jeu, mais tu dois faire plusieurs choses qui vont te prendre un certain nombre de jours ou de cycles, et tu pourras pas tout faire dans un certain laps de temps. Exactement. L'envie aussi de retrouver ce truc du jeu de rôle des lancers de dés, mais elle parle de Disco Elysium, dont voilà, vous avez peut-être entendu parler sur ce podcast. Et Disco Elysium, c'est un jeu... Moi, j'aime bien. Ouais, moi, je vais trouver ça sympa. La musique est pas mal. C'est plutôt pas mal, bon jeu. Et c'est un jeu, en tout cas, Disco Elysium, dans lequel les lancers de dés, parfois, pouvaient vraiment fermer certaines options, certaines portes de sortie, entre guillemets, à des quêtes. Et là, Gareth ne voulait pas du tout faire ça, et justement, va reprendre un système de dés qui est beaucoup plus dans l'investissement sur la durée au fur et à mesure des cycles, pour qu'on puisse quand même toujours aller plus ou moins dans la direction où on veut, et qu'on ne soit pas fermé à des opportunités en fait narratives. On peut citer aussi quelques inspirations. Il y a un roman SF qui s'appelle Diaries of a Spaceport Janitor, donc j'imagine que c'est un concierge d'un port spatial, voilà, c'est ça. Et il écrit peut-être un journal. Non mais voilà, on va pas faire les Nostradamus. À nous trois, je pense qu'on a un PhD en traduction. Hein. Après, bon, si on devait deviner Citizen Sleeper, on serait peut-être tombé à côté. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, un roman de SF qui revient à une échelle très humaine, et donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on retrouvera dans Citizen Sleeper. Et puis un autre livre, moi, qui m'a intrigué quand il en a parlé, ça s'appelle The Mushroom at the End of the World, d'une autrice qui s'appelle Anna Lovenhope Tsing, et qui est un livre d'anthropologie qui parle en fait d'une population qui va chercher un champignon qui s'appelle le Matsutake, qui est un vrai champignon, qui en fait qu'on n'arrive pas à domestiquer, à utiliser de manière beaucoup plus agricole, donc il faut aller le chercher vraiment dans son lieu de pousse. Et en fait, tout ce livre étudie le rapport qui s'est créé entre cette espèce, le champignon, et la population locale, et comment ça développe tout un système aussi sur l'exploitation capitaliste, etc. C'est pas une fiction. Non, c'est pas une fiction du tout. Non, c'est vraiment l'anthropologie, c'est pas du tout une histoire comme ça. Et c'est vrai que on retrouvera les fameux Matsutake dans le jeu, et puis les champignons qui ont une place importante dans les histoires de Citizen Sleeper. Pierrot et Fantasio à jamais dans nos cœurs. Oui, on les embrasse évidemment si tous ces gens-là nous écoutent. Et puis une dernière ref que je trouve intéressante, parce que c'est un phénomène relativement récent. C'est un podcast d'Actual Play. L'Actual Play, c'est du jeu de rôle joué par des gens mais qui est diffusé. Ça peut être en vidéo, ça peut être en l'occurrence au podcast qui s'appelle Friends at the Table. Et après, a priori, c'est des thèmes SF. C'est des amis à la table. C'est ça, je pense que c'est ça. Putain, mais on est vraiment très très fort aujourd'hui. Eh oui, incroyable. Et je traduis en gros qu'à des histoires SF riches avec une pertinence contemporaine. Voilà. Très bien. Gareth, c'est vraiment la personne qui a dirigé le projet, c'est vraiment sa création, mais Yael va être accompagné de deux autres personnes, à la fois pour le dessin et la musique, et sur le dessin, c'est un Français qui s'y est mis, puisque c'est Guillaume Singelin, qui est dessinateur de bande dessinée, qui avait sorti notamment la bande dessinée qui s'appelle PTSD, et puis qui a sorti aussi très récemment Frontières. Qu'on peut recommander. Et je cherchais des infos sur comment s'était faite la connexion, je ne trouvais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Instagram, j'ai envoyé un DM à Guillaume, je lui ai dit bon, comment ça s'est passé? Alors frérot, c'était quoi les bails avec Gareth? Et je suis trop content parce qu'il a gentiment pris le temps de me répondre. Et l'anecdote est assez drôle parce qu'en fait Guillaume avait joué à In Other Waters, qu'il avait beaucoup aimé, et il avait fait un fan art qu'il avait publié comme ça sur les réseaux. Et Fellow Travelers, l'éditeur, avait repéré le fan art et a dit on te l'achète pour pouvoir faire de la promo. Et puis ensuite, de fil en aiguille, il a connecté avec Gareth, et Gareth lui a dit que connaissait son travail en fait, connaissait son truc, et de fil en aiguille, ils se sont dit ok, peut-être qu'on pourrait bosser ensemble sur le prochain projet. Et voilà, ils ont partagé leur mood board respectif. Là, Guillaume dessus, il est pas directeur artistique, il est vraiment sur le caractère design, donc c'est vraiment Gareth qui donnait les guidelines quoi pour pour dessiner, mais j'ai bien aimé ce qu'il m'a raconté où il me disait qu'en fait lui Guillaume il parle anglais mais il parle pas anglais couramment, mais par contre qu'il avait vraiment l'impression qu'il parlait le même langage sur les références artistiques et tout, donc voilà apparemment ça s'est bien passé là-dessus. De toute façon, on en parlera peut-être après, mais comme tu disais, la BD Frontières, il y a des parallèles assez évidents à dresser entre Citizen Sleeper et ça. Ouais. Oui, je sais pas à quel point ça a eu une influence l'un sur l'autre, parce que je crois que Guillaume a travaillé justement, ça a été un peu une parenthèse de travail sur Citizen Sleeper pendant qu'il était en train de bosser sur Frontières. Donc voilà, et puis ça fait toujours plaisir. Et puis sur la musique, c'est Amos Roddy donc qui avait déjà collaboré sur In Other Waters. Ouais, et en fait le compositeur, il a partagé une toute petite vidéo mais qui est assez intéressante, je vous invite à l'écouter sur sa chaîne YouTube où il revient un petit peu là pour l'anniversaire de Citizen Sleeper sur la conception de la musique et l'idée de quelles étaient un petit peu les intentions. Alors moi j'ai noté 2-3 trucs de cette vidéo qui étaient intéressante. L'idée déjà c'était de faire en sorte qu'on ait le sentiment que les musiques aient pu être composées par les gens qui habitent dans la station spatiale. C'est un truc qu'Amos s'était amusé à imaginer en se disant bah tiens c'est des gens qui vivent un petit peu dans la misère d'une station spatiale, alors qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des tubes de plexiglas, de métal, de machin, de bidule, et donc du coup il y a ce côté très industriel qu'on va retrouver un petit peu dans la musique. Et en fait un truc est arrivé assez tôt dans la création du jeu, donc ça je suis pas sûr que ça soit exactement Amos qui ait voulu, c'est peut-être Gareth qu'on a parlé, enfin bref, ils avaient envie de diffuser un petit peu cette idée de jeu de rôle et de lancer de dés avec la musique, et donc en fait ils ont programmé un espèce de petit jukebox qui va choisir la musique en fonction de certaines conditions, et donc bah, en fait si vous tu vois, si on prend plusieurs personnes qui jouent au jeu en même temps, en fonction, même si vous êtes face à, par exemple au même dialogue, vous aurez pas forcément la même musique, parce que le jeu va décider, pas forcément aléatoirement, mais il va décider entre différents morceaux parce qu'ils sont tous, catégorisés par des moods en fait, humeurs. Tu vois, il va y avoir des morceaux un peu plein plus d'espoir, stressant, ouais, y en a qui sont... plus angoisse, plus machin, et donc ils vont sortir, il y a toujours un pool disponible, et ils vont essayer de sortir ça au fur et à mesure, donc ça j'avais trouvé ça intéressant. Et moi ça m'a vraiment surpris en plus d'entendre ça, parce que en jouant j'avais l'impression que c'était très maîtrisé, c'est-à-dire que vraiment dans les différents dialogues, tu vois, quand il y avait une nouvelle rencontre ou un truc, il y avait un mood qui correspondait vachement à ça, et du coup je me dis que c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être le choix des moods, tu vois, ce qui est intéressant c'est justement sur les triggers, donc la façon dont ça va être déclenché, effectivement ça peut changer, comme le jeu n'est pas en temps réel, tu vois, c'est un jeu au tour par tour avec des cycles et que les dialogues, ben quand tu vas changer de ton par exemple dans une discussion, la musique peut automatiquement faire une espèce de transition. Et bon, évidemment, il y a aussi un travail là de pure composition pour faire en sorte que les morceaux puissent s'enchaîner sans trop de problèmes. Oui, et puis je pense que quand même pour les fins, je crois que c'est toujours la même musique. Où là, il y a un côté un peu mélancolique, espoir, plus maîtrisé à ce niveau-là. Ouais. Très bien. Dernière chose qu'on peut noter, c'est que le jeu fait quelques 100 000 mots, donc c'est pas mal. C'est pas un certain Disco Elysium qui en fait plus d'un million, mais j'avais noté ça parce que c'est vrai qu'on était étonné. Peut-être les gens nous écoutent qui n'ont pas fait le jeu. C'est vrai qu'il a pas été traduit en français. Il faut le savoir. Et bon, c'est un anglais qui est quand même. On n'est pas sur du Bukowski, hein. C'est sur un anglais qui est quand même un peu plus riche, un peu plus soutenu. Donc il faut quand même si vous avez pas un très très bon niveau d'anglais, c'est vrai que j'aurais du mal à le recommander. Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'on risque de passer à côté de pas mal de choses. Il y a, comme c'est une écriture qui est très à échelle humaine, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de, tu vois, du monde intérieur des gens, de ce qu'ils ressentent, de leurs angoisses, etc. Bon, c'est sûr que si votre niveau d'anglais est un peu juste, c'est peut-être un peu compliqué, que vous passerez à côté de choses. Et c'est vrai qu'on était surpris, moi je pensais là vraiment, c'est vrai qu'ils ont fêté les 1 an de la sortie du jeu, j'imaginais vraiment qu'il y aurait une traduction française qui arrive, surtout bon bah voilà, tu vois, Guillaume qui a travaillé dessus, enfin j'imaginais que ça allait être traduit en français. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est encore prévu, est-ce que c'est quelque chose, parce que bah ça coûte cher la traduction, ouais, il faut le dire. C'est ce que je disais en off tout à l'heure, en fait, c'est qu'aujourd'hui il faut bien se rendre compte que traduire un jeu, déjà d'une part c'est cher, et si tu choisis de le traduire en français, bah en fait choisir la langue française, c'est pas ton premier, c'est pas ton deuxième, c'est probablement ton quatrième, cinquième choix, grand max, parce que de toute façon, c'est des jeux, enfin, tu vois, là, tu prends n'importe quel jeu indé aujourd'hui, en général, ils vont d'abord être traduits en chinois simplifié, en japonais, en coréen, ça déjà, les langues asiatiques, c'est quasiment devenu, entre guillemets, pas obligatoire, mais c'est vraiment de plus en plus courant, et après, pour les langues latines, ben, du coup, c'est vrai que tu vois, si t'as l'allemand, tu vas avoir l'espagnol, donc si tu te dis, je vais le faire en français, ben ouais, mais tu vas probablement passer à côté d'un tas de gens, et c'est pas dit en fait que tu vois sur les quelques cent mille ventes sur Steam. En fait, c'est un calcul à faire, j'imagine. C'est clairement à faire, qui ça va me permettre de toucher en plus, et est-ce que ça va rentrer dedans. Et encore ça, la France, on n'est pas les plus mal lotis, parce qu'on est clairement devant les Allemands. Après, espagnol, ça se vaut peut-être en fonction du jeu. Bah, tu dis tes calculs, ta communauté, machin, qui va jouer ou pas. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en gros, c'est pas demain, parce qu'il y a toujours des gens qui râlent en disant mais pourquoi le jeu il est pas en français. Ben en fait, si ton jeu il est en français, il va sortir aussi dans d'autres langues. C'est ça. C'est une autre machine en fait à lancer. C'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que bon, en plus, dans Fin du Game, on a l'habitude quand même de parler des jeux qui sont assez connus, etc. Je pense que Citizen Sleeper, ça fait partie des petits quand même candidats. Ouais, ça fait partie des petits jeux dont on parle. Et voilà, forcément, c'est toujours un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, moi, la traduction, c'est rarement, enfin, c'est quasiment jamais en fait les personnes qui bossent sur le jeu qui le font. C'est très rare. Il y a que très peu de studios qui disposent d'un pôle de localisation. C'est souvent des studios externes, mais du coup, bah, c'est des gens avec lesquels tu vas travailler. Il va y avoir énormément d'échanges parce que bah, du coup, ils vont probablement te poser des questions sur les intentions, sur certains termes, tout ce qui va être les mots, les noms propres, les blagues, ce genre de choses. Et c'est un travail qui prend masse de temps. Enfin, oui, surtout sur un jeu où le texte est aussi primordial. C'est ça, avec 100 000 mots, tu te dis, bon, bah, il faudrait déjà plusieurs mois pour une langue. Et donc, si tu veux le traduire en plusieurs langues, bah, du coup, peut-être que tu vas repousser la production de ton prochain jeu de presque un an. Quoi. Sachant qu'en plus, dans le jeu, tu as des persos dont le genre n'est pas spécifié non plus, c'est du day en anglais, et donc là tu dois en plus t'adapter éventuellement à la langue, donc c'est un boulot supplémentaire. Et donc il faut que tu trouves aussi une boîte de localisation qui a envie de faire ça, parce que le sujet de l'inclusivité, là depuis tout à l'heure il y a déjà des gens qui sont en train de grincer des dents parce qu'ils ont entendu Yel, et du coup faut s'imaginer que c'est la même chose aussi dans certaines boîtes de loca qui vont refuser des projets quoi. Le jeu sort donc et bien reçu, on est entre 82 et 85 sur Metacritic, donc c'est mieux, objectivement c'est mieux que Minotaur Water. Tout à fait, exactement, on a pris quelques meilleurs chiffres. C'est comme ça que ça marche. Il y a plus de dessins en plus. Et il y a plus de ah bah c'est là bon. C'est bon. Ah c'est bon. J'ai pas vérifié s'il y avait eu des prix. Je crois que le jeu a gagné au moins un truc narratif quelque part. Ouais. J'ai pas du tout fait le non, là-dessus. J'ai pas du tout. C'est vrai qu'on a pas vérifié. Oui, je suis sûr qu'il y a eu des prix. Il y a eu des prix évidemment. Et puis surtout, il avait quand même. Moi, c'est un jeu qui était pas mal apparu quand même dans les tops de fin d'année. Il était même dans le mien. Donc voilà, autant vous dire que c'était validé. C'est quand même une sacrée référence. Et bien sûr, Edge, Hugo Terra, finalement, c'est kiff. À peu de choses près, voilà, très bien. Et les ventes, on l'a dit ou on l'a pas encore dit? Non, on l'a pas dit. Donc on estime ça sur Steam à quelques 100 000 ventes par rapport aux reviews, et j'ai regardé un petit peu ici et là, c'est un petit peu ce qui ressort. Et voilà, est-ce que en étant optimiste, on peut dire que c'est peut-être le double en cumulant les sorties consoles et tout? Je ne sais pas. Mais voilà, on est dans ces eaux-là, donc encore une fois, pas un jeu qui a connu un succès énormissime. En tout cas, si jamais vous vous posez la question, moi je l'ai fait donc sur PC mais à la manette, et à la manette ça se joue très bien. Voilà. Oui, c'est vrai que comme on est vraiment juste entre quelques points et tout, il y a ce côté très interfacé, mais néanmoins ça fonctionne bien. Enfin, j'imaginais que ça fonctionnait pas mal avec une manette, même si une souris fait difficilement mieux pour interagir avec une interface, je trouve. En vrai, tu vois, ça marche. C'est très bien fait. Très bien. Et puis, on en a parlé, donc, il y a quelques temps, là, le jeu, il a fêté, c'est un an, donc il y a un JDR, même, ils ont repris leur système de jeu qui fonctionne bien, parce que c'est vrai que comme CDD, c'est un truc qui est assez facile à transposer, et donc, ils proposent ça avec un artbook aussi, il va y avoir un gros bouquin, et va y avoir aussi, du coup, le vinyle pour les gens qui ont la musique, et du coup, l'histoire du JDR, voilà. Moi, j'ai pris la grosse collection, j'ai fait un petit craquage sur Lost in Cult. On est en train de sourire avec Maxime, parce qu'il faut donner les bails en off, c'est que on va parler de dés beaucoup, et donc on a dit dés et on a pensé à ce fameux jeu de la française de jeu avec dés. Et puis Benoît nous regardait genre, mais qu'est-ce qu'il raconte les deux? Du coup, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on n'a pas tant d'années de différence, mais sur et la publicité, pas connu je l'ai, ben, je l'ai pas vu celle-là. Voilà, donc maintenant j'ai vu dés, c'est bon, voilà. J'ai vu la publicité. Si vous avez connu dés, et dites-nous le sur leur Discord. Et au passage, vous pouvez passer sur notre Patreon. Ne mettez pas des dés, vous pouvez mettre des sous sur le Patreon, 1 euro, 2 euros, vous faites ce que tu vous voulez. Tu peux jeter le dé pour savoir combien tu donnes. Ça peut être une manière de ludifier, de gamifier votre don à Fin du Game. Merci énormément à toutes les personnes qui continuent de nous rejoindre sur le Patreon. On peut vraiment envisager la saison 6 maintenant, parce que on est en train de préparer ça, on va pouvoir commencer le teasing. Bien avancé. Oui, oui. Bah, peut-être que des invitations ont été lancées. Peut-être qu'il y a des choses qui se préparent. Je rappelle, c'était ça l'objectif du dernier palier. Vous amener d'autres voix dans fin du game. Exactement. Et voilà, ça sera l'engagement. C'est notre engagement. C'est notre engagement pour la saison 6. Pour les Français et les Françaises qui nous écoutent, c'est ce que nous vous. Et puis même pour les Belges aussi, voilà. Toutes les personnes francophones. Exactement. On vous embrasse. On s'engage à dépenser votre argent. Très bien, merci énormément pour ça. On va pouvoir passer à l'histoire, aux histoires de Citizen Sleeper. Et eh bien, c'est Maxime qui va nous conter cette grande épopée SF. Et donc dans Citizen Sleeper, donc c'est dans le titre, on incarne un ou une sleeper. Il n'y a pas vraiment de genre défini, puisque de l'extérieur, on incarne donc un robot. Mm-hmm. C'est un corps synthétique, un Android, robotique. Mais qui a une personnalité humaine, qui a été émulée à partir d'une vraie personne et qui a vendu ses droits en fait, d'émulation à une corporation. Qui du coup a le droit d'embaucher ce robot, ces robots, il y en a plein, c'est une pratique assez commune. Et donc voilà, nous on apprend qu'on a eu ce passé, qu'on a travaillé, mais on l'a pas vécu. Nous, quand on arrive, on s'est déjà échappé, on est déjà parti, on est allé à bord d'une espèce de cargo, je crois, on s'est caché, on s'est enfui, et on est arrivé à bord de l'œil. Le nom c'est Elrin's Eye en anglais, donc l'œil d'Elrin, voilà, on va traduire ça comme ça. Un œil qui appartenait à une station spatiale qui appartenait à une corporation, mais il y a toute une backstory qu'on finit par apprendre. Tout ça a fait faillite, en fait, ça a été complètement abandonné par la corpo, et à bord de cette station, il y a quand même plein de gens qui vivaient, il y a des immeubles résidentiels et tout, et c'est... Ça a été laissé un peu à l'abandon, un peu comme la Belgique quand il n'y avait plus de gouvernement, tu sais, c'était un peu les ont rien demandé, tu sais. Ah non, mais ça, a priori, ça s'est bien passé, c'est ça, très bien. Et on voit un peu, j'ai pas envie de dire autogéré, parce qu'il y a différentes forces, il y a une espèce de conseil qui est là, je crois que c'était un ancien syndicat, il y a des gangs, il y a les gens qui vivent, tout simplement, il y a encore des entreprises ou des gens qui font leur business, donc c'est pas expliqué en détail, c'est pas vraiment ça, de toute façon, c'est pas ce sur quoi le jeu va vraiment se concentrer, mais on comprend qu'on est un petit peu dans cet environnement. C'est un peu l'anarchie, finalement. C'est plus ou moins. Mais ce serait pas au sens péjoratif où on pourrait. Il y a encore une économie, encore des liens avec l'extérieur. Il y a quand même une structure, hein, ce qui est justement l'antithèse de l'anarchie. Mais par contre, cette histoire, tu vois, ça commence déjà à résonner, parce qu'il n'y a pas que la Belgique. Il y a, tu vois, après la crise de 2008, le nombre de choses en fait qu'on fait faillite et de nombre de trucs qui se sont retrouvés abandonnés du jour au lendemain et qui, du coup, ça a lancé la mode de l'urbex pour tout ce qui était construction. Mais voilà, il y a énormément en fait d'endroits comme ça qui ont été commencé à être construit. Il y a, je sais pas si vous avez suivi, c'est en Chine notamment, où ils ont construit des villes entières et le promoteur s'est planté et en fait il n'y a personne qui y habite. Il n'y a même pas besoin d'aller si loin ça. Si vous allez en Espagne, il y a des grands immeubles qui sont en fait encore en cours de construction et voilà, c'est là. Le promoteur, il a fait faillite et c'est fini. Exactement. Là, la petite différence, ça va être que dans les cas que vous citez, il y a quand même le gouvernement, tu vois, qui existe, qui va tout, qui est toujours là. Mais là, dans l'espace, personne ne vous entendra. Dans un univers cyberpunk, le côté, c'est que les corporations sont des gouvernements, font la loi, et là ils sont partis, donc il y a un côté un peu, la loi on sait pas trop, même si elles ont quand même un pouvoir en fait assez indirect là-dessus, et justement ça va être un des arcs, c'est que justement la corporation qui possède notre corps synthétique va nous chercher en c'est fait. Ça, on n'est pas tombé donc sur une oasis de bonheur au milieu de l'espace. On se rend compte que, comme tu l'as dit, il y a un agent qui aussi c'est un peu un freelance, lui aussi, on a un traceur en fait dans notre corps qui permet à la corporation de pouvoir nous retrouver et d'envoyer des agents. Bon, il y a des rebondissements, il y a des détails, il y a des trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au début, c'est un peu l'arc principal. On va avoir donc notre quotidien à gérer, on reviendra là-dessus en détail plus tard, mais il y a de la gestion au jour le jour sur notre énergie, notre condition, notre bouffe. En fait, quand on arrive, on est quand même dans un état assez misérable, donc il faut très vite essayer de trouver des gens ou des solutions pour loger, nous aider, recharger la batterie du corps, USB-C, enfin, ce genre de choses. Mais le fil rouge, c'est qu'il y a cet agent qui est là, mais on va rencontrer d'autres gens, à faire d'autres trucs. Bref, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, on va rencontrer plein de personnages au cours du jeu. Il y a différents arcs, dont certains vont même constituer une fin potentielle. Il y a plusieurs fins possibles dans Citizen Sleeper. Encore une fois, on ne va pas revoir tous les persos, toutes les histoires, mais on peut en noter. Moi, j'avais noté quelques-unes. Toi, tu voulais parler de Lem et Mina, par exemple, Hugo ? Je voulais en parler. Non, c'était une histoire que j'avais retenue, notamment parce que c'est une des pistes qui peut te mener vers la fin, puisque c'est un père et sa fille. Et le père va travailler sur la fabrication, justement, d'un vaisseau sur un chantier, parce qu'on bosse avec lui en fait. Oui, c'est ça, on va l'aider à travailler sur le chantier. Et justement, il y a une opportunité pour les gens qui travaillent dessus d'obtenir une sorte de ticketos éventuellement pour monter à bord de ce truc. Ce qui est une arnaque d'ailleurs. Oui, voilà, c'est un peu une embrouille. Et justement, bah, nous, on va pouvoir essayer d'infiltrer des choses, parce qu'en tant que sleeper, en tant qu'entité, en fait, on n'est pas totalement humain, on peut se connecter aussi au cyberespace de cette station qui permet d'accéder à des points, de magouiller des choses, et donc on va les aider, et je crois qu'on peut choisir de partir avec eux ou de les laisser partir ou de pas réussir à s'en occuper si on les laisse un peu de côté, parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est un jeu où on peut laisser un peu en jachère les trucs si on n'a pas envie de s'occuper de certaines choses. Le jeu, du coup, on disait tout à l'heure avec cette histoire de flic, enfin de traceur dans notre tête, le jeu en fait va souvent mettre des deadlines, des dates butoirs. Oui, en gros il nous dit dans 10 jours il va se passer ça, dans 15 cycles il va se passer ça, dans 20 cycles il va se passer ça, et c'est à nous justement de devoir gérer un petit peu ce qu'on va vouloir faire à ce moment là Moi pour le père et la fille par exemple, je crois que le vaisseau était déjà parti donc j'ai pas pu avoir la fin du coup toi tu l'as fait récemment et t'avais les DLC inclus et a priori en fait les DLC s'intègrent un petit peu au jeu complet. Moi j'ai fait sans les DLC du coup. Il te fait vraiment comprendre à un moment, il dit bon là coucou, là c'est le DLC, si tu lances cet événement c'est le DLC qui sera suivi de ça et de tel DLC, il y en a trois en tout, et il dit bon faut le faire en late game, donc moi je l'ai fait en late game mais j'avais encore quelques trucs encore en cours, et donc moi j'ai papillonné sur d'autres trucs pendant qu'il y avait ça, et je crois que le vaisseau il y avait effectivement une deadline, j'avais pas forcément capté que ça allait plus être possible dans 10-20 jours que le vaisseau allait partir. Et pour citer, on peut citer quelques autres persos. Ouais, moi, il y avait Neoven, que je voulais citer, Neovend, comme vending machine, une espèce de distributeur automatique sur lequel on tombe. Et en fait, dedans, t'as une IA sentiente qui se planque, qui était, je crois, c'est le navigateur de la station spatiale. Parce que t'apprends que dans le fameux cyberespace que t'as cité tout à l'heure, en fait, il y a une IA qui piste, en fait, justement, les IA sentientes. Ouais, le Hunter, là. C'est ça, le Hunter. Il y a des dessins assez cool, en plus, j'aime bien le dessins, style des dessins du cyberespace ont vraiment un truc un peu vaporeux, tu vois, qui est assez intéressant. Moi, je parlais vraiment des persos en plus, donc du Hunter, et après, il y aura aussi le Killer, parce que donc, t'as le Hunter, le chasseur, qui repère les IA sentientes et qui ensuite envoie le Killer une fois que c'est fait. Et j'aime bien le chara-design de ces persos. C'est récurrent, c'est ce motif de personnifier, en fait, comme ça, des programmes. Des programmes informatiques, c'est juste tout simplement. C'est une intention, c'est vraiment, ils ont un objectif, et donc voilà, c'est ce qui les définit. Et c'est des résidus, en fait, ces programmes informatiques qui étaient là de base, mais qui sont toujours à bord de la station, parce qu'évidemment, la corpo a pas fait le ménage avant de partir. Et donc cette IA se cache, mais nous aussi on se fait chasser, et on finit par, pour la faire très courte, en fait on fait réaliser au Hunter, on fait réaliser à Killer, je crois que Hunter est une IA sentiente en fait aussi, parce qu'elle a une sorte de volonté, et du coup ils sont pris à leur propre piège. Et bug dans la matrice. Oui, exactement. Voilà. Et puis dernier perso, c'est vrai qu'il y a tout un passage avec des botanistes aussi dans le jeu. Moi c'est vrai que je m'en souviens pas si bien de son prénom, c'était comment ? C'est Rico, donc c'est une botaniste que t'as toute une partie avec des serres, il y a vraiment c'est le dernier district de l'œil auquel t'as accès, parce que t'as toute la partie centrale, à un moment tu peux monter dans une tour, l'immense ascenseur, donc t'as tout un délire là-bas, et en dernier me souviens que j'avais obtenu l'accès au botaniste, et du coup et t'as toute une communauté là-bas qui essaie de s'organiser, justement, qui est un petit peu, parce qu'elle est un peu coupée en fait, il y a une espèce de fracture, même tu dois créer une sorte de pont, une navette pour pouvoir y accéder, donc il y a un côté un peu séparé, et tu sens que ces gens-là ils sont un peu en train de faire leur petite ZAD de ce côté-là. C'est un peu ce qui a sauvé l'œil en fait dans l'histoire, parce qu'il y a la végétation qui n'était pas censée reprendre après une fois que la station a shut down, et tu découvres qu'en fait il y a une IA aussi sentiente et tout un réseau aussi d'IA, et que l'IA fait pousser en fait des choses qui correspondent aux besoins nutritionnels des gens qui plantent les trucs, et c'est pour ça que notamment quand nous on plante des champignons, on a une chance d'avoir un certain type de champignon qui nous redonne de la condition, qui est la jauge vraiment qui nous permet de vivre, mais nous sleeper robots quoi. Et c'est une des fins justement de rejoindre cette IA qui s'appelle The Gardener, qui est c'est celle qui est responsable de toute cette croissance là, et en fait une des fins c'est de fusionner avec elle, donc d'abandonner notre corps et d'aller rejoindre l'IA dans le cyberespace et faire pousser des champignons. Donc c'est la fin que j'ai choisie. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. J'avais envie de quitter. Mais en fait, c'est que je m'étais retrouvé à bout de. Tu vois, j'avais laissé partir Lem et Mina parce que j'avais envie qu'ils fassent leur vie. Mais moi, j'avais pas forcément envie de quitter la station. Je me souviens plus trop ce que c'est l'autre fin que j'avais pas faite. C'est une mercenaire qui. Oui, part voilà, avec c'est avec elle. Okay, et je l'avais laissé aussi tranquille. Et puis en fait, il me restait ça. Et j'ai fait il faut finir d'une manière ou d'une autre. Allons-y. Et l'idée de fusionner avec le cyberespace champignon me parlait. J'aurais fait exactement ça s'il n'y avait pas eu les DLC. après, parce que je savais qu'il y avait des DLC, je me suis dit, bah, en fait, moi, toutes les fins, je fais, non, je reste. Non, merci, coucou. Il reste. Oui. Tout le monde arrive, Julien Lepers instantanément. Ça, je l'ai, la ref. Hein, c'est plus bon. Que Dédé. Bah, en même temps, je veux dire, sur littéralement 30 ans de télévision française, t'étais obligé d'avoir Julien Lepers. Question pour un champion, normalement. Il est très haut placé. Mais juste, cette fin-là, elle est... Quand tu dis au revoir, il y a un truc très, il y a un truc assez triste, assez mélancolique, parce que tu coupes une espèce de cordon. En fait, c'est soit tu restes avec le gardener, soit tu coupes le cordon et tu reviens dans ton corps physique. Et il y a un côté vraiment, tu retrouves la lourdeur, tu vois, de ton enveloppe charnelle. Et enfin, tu sens qu'il y a bien un côté, raconté, parce qu'en plus, du coup, tu deviens pas en fait. Enfin, tu te dilues en fait un peu dans le cyberespace. Ta personnalité va disparaître et s'intégrer à une espèce de d'amalgame de personnalités, une autre existence tout simplement. C'est ça. Mmh. Ça me rappelle Eden. Voilà, en manga, si jamais ça vous intéresse, c'est réédité en ce moment, c'est incroyable. Très bien, un jeu qui raconte toutes ces histoires-là. Et au final, nous, on en tire un petit peu deux grandes thématiques de ce Citizen Sleeper. Et on s'était dit que ça pourrait être cool justement de l'aborder et de l'analyser via ces thématiques-là. Et la première qu'on repère, c'est vraiment l'idée de la survie, en fait, puisque dès le départ, on est ce Sleeper. Et il y a tout un truc de gestion, en fait, de dire, ok, on arrive dans une mauvaise condition. Dès le début, on se dit qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir survivre et ne pas mourir. D'un point de vue très pragmatique, game design très concret, en fait, on a des ressources en quantité limitée et on doit gérer ces ressources. Les jeux de survie, c'est ça. Et en fait, c'est littéralement ça qu'on a, puisqu'on a un certain nombre de dés qu'on doit dépenser chaque jour. On va pouvoir en avoir plus ou moins en fonction de nos actions de la veille. On va pouvoir choisir de les dépenser dans tel endroit, tel truc. On va pouvoir travailler, etc. Donc, c'est vraiment cette mise en scène de survie qui en fait est intégré à l'histoire et ça va donner lieu à tout un tas de réflexions sur pas mal de thématiques. En fait, la première inspiration que Garrett cite vraiment pour créer le jeu, c'est ce qu'on appelle la gig economy en anglais. Alors nous, en France, on parle un peu d'ubérisation de la... D'ubérisation Non, d'ubérisation ubérisation de la société, pardon. Pourquoi ? À cause de Uber, donc cette société qui fait à la fois du VTC et de la livraison de sandwich à la maison. Et en fait, c'est quoi le principe derrière ça? C'est de dire que c'est la disparition un peu du salariat, c'est de se faire qu'on va travailler, on va mettre notre force de travail au service d'une entité, mais sans avoir ce rapport. Ouais. Ça peut être soit des individus, et dans ce cas-là, tu fais des petites missions pour des gens. Tu vois, aux États-Unis, c'est ce qu'on disait en off, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent que ce que nous, on a en France. Je lisais un papier là qui explique que c'est quand même près de 20% de la population active qui est dans la gig economy aux États-Unis et il prévoit que ça pourrait monter jusqu'à 50% d'ici la fin des années 2020. Donc c'est quand même pas rien, mais tu sais, ça peut être bêtement des gens qui vont promener ton chien. Un gig, en fait, c'est un petit job. C'est un petit truc que tu fais qui va te permettre de gagner un petit peu d'argent momentanément et que ce soit aller, faire du babysitting, dog-sitting, ou trucs comme ça. Au départ, c'était plutôt des jobs comme nous, on pouvait faire quand on a 17-18 ans, tu vois, que t'as pas encore un vrai métier, entre guillemets, que tu fais des petits boulots, tu vois, donc c'est ce qu'on appelle les petits boulots. Sauf que là, évidemment, nos amis néolibéraux se sont dit, mais en fait, ces petits boulots, ça pourrait être votre vie. Et ça pourrait être tout. Et tu vois, toute la vie de freelance, pourrait s'intégrer à ce qu'est de la gig economy. Tu vois, je sais pas, moi ou toi, quand on va aller donner des cours en Belgique, moi, littéralement, j'appelais mon père, je dis, ouais, c'est cool, j'ai un petit gig, tu vois, quelque part, parce que c'est un truc où je me dis, je vais faire quelque chose de momentané, je suis rémunéré pour ça, et ensuite, je passe à autre chose. De toute façon, je pense qu'une grosse partie de l'amour que j'ai pour Citizen Sleeper, c'est que ça reflète très bien mon quotidien et ma façon de gérer ma vie professionnelle. Et comme tu le dis, aux États-Unis, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré et un peu plus vieux aussi, et parce que c'est aussi un truc où, comme on le dit en costume, le marché de l'emploi est flexible. Oui, tout à fait. Et donc, tu peux en fait cumuler, tu peux vraiment avoir deux, trois jobs, des gigs, des machins, et t'additionnes tout ça. Et sinon, donc tu disais, la gig economy va structurer un petit peu le rapport qu'on a en termes d'action dans la journée, mais c'est aussi pour le personnage du sleeper. En fait, il y a une anecdote assez précise qui sont donc les chauffeurs Uber. Et Garrett disait, en fait, un chauffeur Uber peut avoir contracté un emprunt auprès d'Uber pour payer la voiture que tu conduis, mais si jamais un jour jour tu te fais virer, tu continues en fait de payer cet emprunt, et donc il y a une dépendance qui est assez évidente vis-à-vis d'Uber, et il y a un lien assez fort entre la machine que tu conduis un petit peu, et ta relation de travail, ta dépendance à l'employeur. Et donc là il y a ce concept qui est poussé dans un truc, dans une démarche assez cyberpunk, où en fait on se dit, et si c'était pas la voiture, et si c'était le corps, tu vois, carrément ton corps, et donc le personnage du sleeper est inspiré par ça aussi. Ouais, c'est vraiment une métaphorisation de métaphore de cette idée là et de ce rapport qu'on peut avoir avec un employeur qui possède, tu vois, jusqu'à même notre outil de travail, quoi. Tu travailles pour pouvoir rembourser ton employeur. T'as un truc qui est assez courant aussi dans tout ce qui est cyberpunk, c'est quand tu remplaces ton cerveau par une puce ou par un truc, n'importe quel élément technologique, en fait, il ne t'appartient pas. Tu vois, dès Ghost in the Shell, donc dès la fin des années 80, c'était quelque chose déjà qui était abordé sur la notion de, mon corps appartient au gouvernement, appartient à une entreprise, appartient à un truc. Et toi, en fait, justement, c'était tout l'enjeu de Ghost in the Shell, de se demander qu'est-ce qui m'appartient encore, tu vois, qu'est-ce qui me définit moi que je suis en tant que personne. Et ce truc gig economy ou freelance, ça va bien avec le jeu, dans le sens où tout se mélange un peu, en fait. C'est que il y a pas une cassure nette entre le côté travail et ensuite vie personnelle, que tu viens en général quand t'as le salariat, le fameux de 7 à 17 heures. Oui, voilà, que ça y est, quand tu rentres chez toi, t'es chez toi et tu travailles pas. Alors que là, le côté. Ça me parle pas. On va en discuter de toute façon. Alors que là, le côté manger, faire une tâche, avoir de l'argent pour ci, pour ça, en fait, tout ça se compacte dans une seule et même journée. En fait, il n'y a pas d'heure en particulier. Tout ça va vraiment. Tout ça est géré dans la même économie, en fait. Parce que vraiment, le jeu est régi par des cycles journaliers, donc le matin on se lève et on a une certaine capacité de travail, ça c'est dans la vraie vie, dans le jeu on a des dés et on a des dés et donc ces dés vont représenter l'investissement qu'on va choisir de faire dans l'ensemble des tâches qui sont possibles. Et comme tu le dis, Max, parce que c'est vrai que c'est vraiment très juste de le spécifier, il y a des choses qui sont du travail qui vont nous permettre de gagner de l'argent, de nous rémunérer, ce qui va nous permettre d'acheter des choses pour survivre, payer son loyer, tous ces trucs là et de l'autre côté il y a aussi des tâches qui sont aider les autres, etc., qui sont pas des tâches pour soi mais qui sont des tâches pour les autres, pour les progresser dans leur quête. Et donc tout ça se mélange et tout le jeu consiste à avoir cette gestion de ces différentes ressources, que ce soit les dés mais aussi l'argent ou d'autres trucs, il y a des champignons et tout. En fait t'as plein d'éléments, tu vois, et plein d'objectifs qui peuvent se cumuler et taux de change parfois fluctuants. Mais alors je parle de taux de change, mais en fait c'est beaucoup moins complexe que ça, c'est juste que parfois il y a des valeurs qui sont supérieures selon les conditions, selon avec qui tu interagis, et ça fait partie des petits choix qu'on va te demander de faire. En fait, quand évolue dans le jeu, tu finis par pouvoir convertir certaines ressources en d'autres, parce qu'au début, ta seule manière de récupérer de l'énergie, par exemple, ça va être d'acheter à bouffer, mais plus tard, tu vas pouvoir dépenser un dé pour récupérer de l'énergie. Je crois que c'est la photosynthèse chaque fois que tu es dans une maison, une des habitations que tu as, où tu peux, employer des scraps, donc des bouts de ferraille, des trucs merdouilles, pour récupérer de la condition. Tu finis, plus tu évolues, donc c'est différentes, les différents objets, les différentes ressources, tu as des ponts que tu dresses. C'était beaucoup plus en maîtrise du truc. Parce qu'au début, on est vraiment à la recherche d'espèces de fameuses pilules. Il y a une quête avec une médecin et justement, elle peut nous fabriquer cette pilule qui peut vraiment nous remplir toute notre condition, je crois. Ouais. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le nombre de dés qu'on a dépend de notre condition. Donc il faut quand même rester à un bon niveau parce que sinon. On a un corps robotique, mais on est dans de l'obsolescence programmée. Exactement. En fait, on a été programmé pour être justement dépendant de notre corporation parce qu'on a besoin du médicament pour exister. Donc en fait, si tu laisses ta condition trop descendre, t'auras de moins en moins de dés, donc les jours vont passer de plus en plus vite parce que tu pourras faire moins en moins de choses. Donc il y a vraiment une idée de cycle comme ça à se mettre en tête, et c'est vrai que ça, je trouve, reproduit assez bien la vie qu'on peut avoir, parce que nous, encore une fois je le dis, on est dans la gig economy, et ce truc de dire j'ai dans ma journée, je vais pouvoir faire des tâches, oui il y a des moments où je vais faire du travail, il y a des moments où je vais faire du sport, il y a des moments où je vais aller faire mes courses, etc. On s'organise un peu comme on peut, mais tout se mélange à l'intérieur parce que on travaille le dimanche, le samedi, les jours fériés, peu importe en fait. On n'est pas régi par un truc avec des horaires, mais par toutes les choses qu'on a à faire et qu'on essaie de s'organiser autour de ça. Et on a ce même rapport de comment on va dépenser notre énergie, parce que comme ça s'arrête plus ou moins jamais, il y a, tu vois, il y a des trucs très humains de, bah, au bout d'un moment, t'es tout le temps dans de la création, au bout d'un moment, t'as besoin de te reposer, tu peux pas tout le temps être en train d'écrire des trucs ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vrai que c'est, je trouvais que ce jeu parvenait assez bien à retranscrire un petit peu ce qu'on peut vivre, entre guillemets, dans notre quotidien. Et je pense que ça concerne quand même pas mal de monde, parce que, bon, le job de freelance aujourd'hui en France, il y en a de plus en plus aussi. Et puis, aussi, truc important à dire, c'est que, bah, c'est assez addictif. En tout cas, moi, ça a vachement fonctionné, en fait, dans mon truc du jeu, parce que, bah, les dés, qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est d'avoir une part d'aléatoire. Et l'aléatoire, on le sait, ça relance quand même vachement bien la machine. Et donc, chaque matin, on se lève avec des dés qui sont plus ou moins bons. Voilà, quand vous avez un 6, vous savez que justement, vous allez pouvoir aller vers une tâche complexe et que vous allez pouvoir la remplir. Vous allez pouvoir faire progresser ces nombreuses tâches, en fait, qui sont vraiment littéralement de la gestion de tâches, mais au sens où on l'entend, tu sais, maintenant, avec les outils genre Notion, les apps, tu vois, où tu sais, ça se remplit au fur et à mesure. Oui, il y a vraiment des barres de progression. Hein, ouais, bien sûr. Et donc, on investit des dés dans ces barres de progression. Et quand on a des bons dés, et ben forcément, on va avancer plus vite. Et donc, il y a ce côté que chaque nouvelle journée, ok, je me lève, ah, trop bien, je vais pouvoir avancer là-dessus, ou pas trop, parce que j'ai pas forcément des bons dés. Là, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont. Enfin, il n'allait pas tomber dans le piège de faire en sorte que 6, ça soit forcément bien, et 1, c'est forcément mal. Parce que parfois, tu as des besoins spécifiques. Ouais, tu as des besoins spécifiques où on va te dire, bah, il y a besoin d'un dé pair, d'un dé impair. Donc, en fait, même si tu as que des 1, c'est pas forcément une mauvaise journée. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mauvais moment, et en plus le jeu petit à petit va te débloquer des capacités, parce qu'il y a quand même une toute petite notion de jeu de rôle, comme tu le disais tout à l'heure. On va pouvoir améliorer certains aspects de notre robot, ouais, en fonction de, même d'ailleurs, parce qu'il y a un choix de classe entre guillemets, ouais, au tout départ, et donc on va pouvoir un peu, bah, en fait on va pouvoir influencer la RNG. C'est ça qui est intéressant, ouais, en fait, c'est pour ça que je trouve que ça marche bien. C'est que quand on commence à avoir un certain contrôle, on peut assez vite, enfin c'est un jeu qui se veut pas difficile, mais surtout on peut relativement vite avoir l'impression qu'on contrôle tout ce truc là. Bah tu as des stats, en fait t'as 5 stats, je sais plus, endurance, interface, machin, et quand t'avances, donc t'as ce qui s'appelle les drive en anglais, donc je sais pas, les volontés, enfin les je sais pas comment traduire, les pilotes, d'installer driver Nvidia. Et donc, parce que oui, c'est pas, je sais plus quelle est ta raison derrière ça, mais derrière le choix du mot, mais parce que c'était pas des objectifs, c'était plus des volontés, des trucs vers lesquels on va aller. Bref, quand t'en complètes, tu chopes des points. Des aspirations en français. Ouais, c'est bien. Voilà. Et tu t'as des points d'XP que tu peux investir, et t'as des plus 1 ou plus 2 net, mm-hmm, en fait, sur tel ou tel truc, mais c'est surtout quand t'es dans le cyberespace où là, beaucoup plus, il veut des 1 oui, ou des 2. Oui, il veut des dés spécifiques. Mais une fois que t'as terminé avec le cyberespace, quand même, les 1 et les 2, où t'as des tâches en fait qui sont safe, qui sont considérées comme safe, où tu n'as pas de malus si, ouais, tu te plantes en fait dans ton jet de dés, mais il y en a, tu peux avoir un malus, tu perds la condition, tu perds l'énergie, et là tu vas plutôt garder quand même les bons dés. Et sinon, je reviens sur le côté un peu addictif du tour par tour, c'est que tu as deux types de jauges, tu as les jauges dans lesquelles tu investis, et tu as les jauges qui se remplissent toutes seules, oui, cycle par, oui, cycle, où il va te dire dans 3 cycles il va se passer ça, dans 5 cycles il va se passer ça. Et il y a un côté très un peu comme dans Civilization en fait, où tu te dis, ok, j'ai fini mon cycle, mais dans un cycle, je vais pouvoir faire ça, je vais terminer, ou j'ai telle recherche en fait qui est en cours, parce que dans Civilization, il y a des recherches qu'on a lancées, et qui te disent, bah voilà, dans 4 tours, ça va se débloquer, et tu dis, ah bah, dans un tour, en fait, il y a ça qui va se passer, ça va débloquer, je vais avancer sur telle quête, j'ai envie de faire. Avec Civilization, il est assez juste, en fait, c'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup, ouais, c'est ça, c'est de dire, bon, bah, au prochain cycle, je sais qu'il va se passer tel truc, il y a une autre option, enfin, il y a une autre opération qui est en train de se faire derrière, donc c'est vrai que le jeu te maintient, il y a toujours, voilà, c'est ça, ouais. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que, on l'a déjà dit dans l'émission, moi, addictif, c'est pas un mot que j'aime bien quand je parle de jeux vidéo. Et là, pour le coup, bah, de toute façon, la récompense, c'est toujours de l'histoire, c'est de la progression de l'histoire. Et c'est pas un jeu qui veut te tenir dans le jeu, tu vois, pendant 150 heures. Pas du tout, hein, c'est un jeu narratif. Enfin, moi, je crois que je l'ai fini en 7 heures, 7, 8 heures. Oui, donc, oui, oui. C'est vraiment que je trouve que ça marche bien pour te rentrer dans le rythme. Et surtout, ça permet de prendre plein de décisions, de micro-choix qui sont pas, qui n'ont pas des conséquences dramatiques, mais c'est plein de petites décisions qui entretiennent le comme dans le back office, pardon, il y a un truc de ta tête qui tourne un peu en continu. Mais c'est vraiment une bonne transposition d'un jeu de rôle, en fait. Enfin, ouais. Cette idée d'utiliser des dés pour te dire, bah, ça c'est ton potentiel chaque jour, c'est assez intéressant, et ce côté gestion fonctionne effectivement très très bien. Ça, tu vois, je sais pas, dans les systèmes de jeu les plus connus, on va prendre Donjons et Dragons 5, les magiciens, typiquement, ils doivent chaque matin, tu vois, ils ont leur petit livre de sorts qui se réinitialise, ouais, et ils disent, bon bah, ce matin je vais prendre un sort de niveau 2, et je peux prendre un sort de niveau 3, mais je pourrais peut-être prendre deux sorts sort de niveau 1 et on retrouve un petit peu ce jeu en fait de petite gestion et ça s'intègre très très bien à ce quotidien en fait, parce qu'on est vraiment dans de la gestion du quotidien dans Citizen Sleeper. Et ça tient quand même beaucoup le jeu, même si on va le dire plus tard, c'est quand même les personnages, l'histoire hein, évidemment qui font le jeu, mais nous, notre volonté, ce qui fait qu'on a envie quand même d'interagir avec tout ça, bah, c'est ce gameplay, cette gestion un peu survie, et ce qui confirme, en fait, on s'en doutait un peu, on en parlait tu vois, entre nous avant, et en fait, j'ai fait les DLC depuis, et autant le 1, il y a plein de gestion, là, il y a vraiment, le jeu, il y a un cap supplémentaire qui est passé où t'as vraiment, t'avais jamais eu autant de trucs à gérer, et les 2 et 3, ça n'a rien à voir, là, on est vraiment dans du beaucoup, beaucoup plus narratif, et tu investis juste tes dés, en fait, pour remplir une jauge qui va débloquer un dialogue, et le 2, en fait, je l'ai vraiment fait comme un visual novel, et le 3, je l'ai commencé, en fait, je l'ai fini sur YouTube, parce qu'il y avait un côté, j'avais un peu la flemme de le faire sur ordi. Et donc, c'est beaucoup plus visual novel, les DLC 2 et 3, et c'est pas moins bien, tu vois, d'un point de vue écriture ou histoire, mais t'es moins engagé, t'es moins dedans, quoi. Je trouve ça intéressant, parce que, tu vois, si on réfléchit un petit peu à ce que fait le jeu, on se rend compte que ce système-là, en fait, il le tient. C'est pas un prétexte, tu vois, c'est pas un truc qui a été rajouté, c'est ça qui fait le jeu. Vraiment, c'est un jeu de rôle, en fait. Donc, c'est vraiment... Et c'est, alors on pourrait ouvrir des milliers d'heures de discussion parce que je trouve ça super intéressant leur réflexion qu'ils ont sur le jeu de rôle en lui-même par rapport à ce qu'est le RPG dans le jeu vidéo où on est plus avec notre fiche de personnage, on gagne de l'XP, on a une épée plus 2. Je sais que ça c'est vous, voilà, c'est ce qui vous motive, c'est ce que vous fait lever le matin vidéo, oui. Tu te réveilles le matin en te disant je vais avoir une épée plus 2. Oui. Donc et moi j'aime bien le RPG, mais je trouve que tu vois le jeu de rôle tel qu'il est présenté dans Citizen Sleeper, c'est vraiment une belle porte vers quelque chose de différent et on aura peut-être l'occasion d'en reparler un moment donné. Surtout, comme on l'a dit, quand même, le gameplay renvoie à une thématique un peu voilà, oui, de la vie d'économie. C'est pensé dans ce que raconte le jeu. En fait, tout ce système-là raconte aussi des choses par lui-même. Et ça, narrativement, c'est quand même très, très intéressant. Bah, justement, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce côté économique, ça, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le côté macro de ce jeu Citizen Sleeper, cette espèce de grande gestion qui, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a quand même un moment dans le jeu où on passe un cap. Oui. Où, voilà, on sent que ça y est, on a creusé son trou c'est très rare hein, dans les jeux de survie qu'on soit constamment dans la galère. En fait, il y a souvent un moment où on en a parlé pour Subnautica, on en a parlé pour d'autres jeux, même Resident Evil, tu vois, au bout d'un moment. Tu sens que ça y est, t'as assez de munitions, t'as assez d'herbes, t'as assez de machin. Exactement, c'est la hustle culture, mais t'as vraiment ce truc de dire, bon, ça y est, il y a des flux continus, je sais comment je dois gérer. Ça n'empêche pas de toujours devoir prendre des décisions et d'être quand même un petit peu attentif, mais il y a une sorte de confort quand même sur la brèche. Exactement, tu n'es plus sur la brèche, et ça, on le sent vraiment. Il y a un cap dans le jeu où tu le passes et bon bah c'est bien parce que de toute façon c'est par la suite c'est ce qu'on a envie d'explorer, c'est les relations avec les autres personnages et tout l'univers un petit peu cyberpunk qui est ce jeu, parce que c'est ça hein, c'est quand même un jeu qui on est vraiment dans du cyberpunk hein, on est vraiment dans les thématiques avec cette grande ville qui incarne quand même un système, la technologie qui influe sur tous les rapports de pouvoir, et puis voilà aussi la question du rapport au corps, de l'identité, même si c'est pas si présent que ça, c'est pas un jeu où on va explorer le passé de notre personnage, parce que au début quand on commence on dit oui t'es la copie de quelqu'un, donc c'est une personnalité qui existait déjà, pourquoi une personne ferait ça, parce que c'est quand même un choix particulier, mais en fait c'est pas du tout un jeu qui va creuser justement la backstory de ce personnage. Encore une fois je le renvoie à Disco Elysium, parce que Disco Elysium c'est quand même un peu le projet, là pas du tout, on va pas vraiment creuser, savoir bien plus qui on est ou qui on était, ou qui est l'autre personne sur laquelle on est. Sachant que le trope du héros amnésique, bon, c'est le grand classique du jeu de rôle. Ouais. Disco Elysium avait déjà amené un twist assez rafraîchissant avec juste la gueule de bois, et donc t'avais un blackout, tu savais plus qui t'étais. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Citizen Sleeper va vite nous faire comprendre que c'est effectivement pas l'objectif. C'est pas grave, en fait, de pas savoir qui on est. Et puis, oui, c'est ça, parce que même on parlait d'arc potentiel, même sans savoir qui on était, il y a aussi quand même une thématique existentialiste qui peut vraiment se poser sur en fait qui tu es maintenant, est-ce que tu fais des voilà, est-ce que ça va être les choix qui déterminent qui tu es, ou est-ce que tu vas trouver des valeurs ou quoi en cours de route. Et effectivement c'est le jeu fera pas ça. Bah, il le fera pas, tu vas quand même avoir une certaine manière d'interagir avec les autres en fait, et qui va de fait définir un petit peu qui tu es, est-ce que t'es plus sympathique machin, donc quand même c'est tes actes et tes choix qui vont définir ton identité au sein de cet univers là, mais voilà c'est pas quelque chose qui est purement intérieur, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un réseau de différents personnages, et c'est vraiment là en fait qu'on va pouvoir qui est là toute la richesse de Citizen Sleeper. Et ce qui est très intéressant dans la construction de leur monde, et c'est pour ça qu'on parle aussi de cyberpunk, parce que bon, du coup, encore une fois, c'est les grosses, de loin, c'est les grosses corpos qui remplacent les gouvernements, mais c'est aussi le fait d'être bloqué dans un système. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant dans Citizen Sleeper, c'est que c'est tout ce qu'on peut faire est toujours lié et régi par des règles qui nous dépassent et sur lesquelles on n'a pas vraiment d'impact. Parce que souvent, dans un jeu de rôle, quand on joue un héros, ben, le héros, il fait ce qu'il veut, il peut changer de ville, il peut camper dans la nature, il va aller dans un donjon pour récupérer des trésors, il va rentrer chez des gens pour vider leur coffre et leur dire, et même pas et leur dire surtout, merci. Et surtout avoir un impact significatif voilà. sur le monde et qui l'entoure, fin, parfois le monde, exactement, la princesse, à des échelles. Toutes ces conneries. Encore une fois, on peut citer un certain jeu de l'épisode 83, oui. Mass Effect, où voilà, on a le quand retour. Même une place. C'est pas nous, c'est Garrett. Oui, non, mais en plus, littéralement, Yael cite Mass Effect comme quoi, bah voilà, le héros, on joue un soldat, on joue même un général, donc il y a voilà, une personne qui a quand même beaucoup de pouvoir au sein un de. Commandant. Oui, un commandant, pardon. Oui. Excusez-moi, pardon. Oui, excusez-moi, non, je voulais pas déjà assez, dans... On a assez souffert, pardon, pardon, on a assez avec souffert. Mass Effect. Et donc, pas. Forcément, quelqu'un qui a beaucoup d'impact sur le destin, en fait, de milliers, de millions d'autres personnes. Littéralement, on sauve la galaxie. Là, c'est totalement l'inverse, en fait. C'est des personnages qui doivent manœuvrer à une échelle beaucoup plus proche de nos échelles à nous, dans nos vies, dans nos sociétés, où en fait, on se rend compte que bon, c'est compliqué de changer le monde. Et ça, c'est une démarche complètement volontaire de Garrett qui a dit qu'il aime bien questionner justement les PNJ, en fait, l'histoire des PNJ une fois qu'on s'éloigne, quelle est la vie. Et ça, c'est une démarche aussi de world building, en vrai. Mmh. Quand tu crées un monde, il faut que ça transpire par les personnages secondaires, leur situation, leur travail, leur passé, etc. Et Yael, je crois, parlait de Blade Runner, disait Blade Runner, en fait, il y a Descartes, ou Descartes, je sais plus comment ça se prononce, mais t'as aussi le mec qui fait des nouilles, tu vois, à côté. Les deux histoires peuvent être intéressantes et raconter quelque chose. C'est ça, il y a un cuistot, voilà, ouais, y a la médecin, il y a des mecs qui sont des bricoleurs, il y a un hacker, finalement, on nous dresse aussi le portrait de cette société avec différentes personnes qui peuvent avoir des rôles assez différents. Néanmoins, il y a quand même un truc, c'est quand même des gens qui sont un peu en bas de l'échelle. On va assez peu interagir avec des gens très très haut placés. On va en croiser un ou deux, des gens qui ont quand même une certaine importance, où on sent qu'ils ont beaucoup de pouvoir derrière parce qu'ils représentent des corporations. Dans un jeu vidéo classique, tu vois, tu croises le chef du gang et sûr. Tu deviens son bras droit et ensuite tu le remplaces. Exactement, ça se passerait comme ça. Tu as l'oreille des rois dans The Witcher 3, par exemple. Donc là, non, c'est pas du tout. T'as pas du tout l'oreille des rois, t'as l'oreille éventuellement du mec qui te cuit ton ramen avec tes champignons. Et encore, c'est plus toi qui l'écoutes, oui, parce qu'il aime bien te raconter des trucs. Ouais. Donc c'est pas du tout pareil. Ouais. Et c'est ça qui fait un peu Citizen Sleeper, on disait, il n'y a pas de héros, c'est les PNJ qui vont donner l'histoire, qui vont tisser un peu la toile de l'univers, des thèmes que le jeu veut nous dire. Et donc en fait, Citizen Sleeper ne se représente pas comme un jeu de rôle classique où il y a vraiment cette espèce de quête de puissance et où on sait qu'on est là pour sauver le monde ou accomplir un grand destin qui se repose souvent, tu sais, sur cette construction narrative là du mythe du héros, etc. Ouais. Citizen Sleeper, c'est un jeu qui se détache complètement de ça et qui va nous mettre face à tout un tas de personnalités qu'on va croiser et qui vont, comme on l'a dit, représenter la société. Toutes ces personnages là, ils sont définis, tous ces persos sont définis par leurs liens avec les différents systèmes. Il y a la médecin, il y a les gangs qui vont influencer sur ce qu'elle peut faire, pas faire, etc. Et nous, notre personnage, il va évoluer un petit peu au milieu de tout ça. En fait, sans aller. Tout le monde manœuvre, en fait. Ouais. On sent que tout le monde essaie de manœuvrer avec les problématiques qui, elles, les concernent, comment on peut gérer ça. Nous, c'est ça, nous, notre rôle. Après, on est un sleeper, donc on est quand même une entité un peu différente. Et d'ailleurs, les gens nous le font sentir, tu vois. Ah, t'es pas tout à fait humain, mais pourtant, ils nous traitent un petit peu comme ça. Donc, il y a ce rapport-là. Ils savent qu'on a aussi un pouvoir supplémentaire, c'est d'aller dans le cyberespace. Ça permet d'accéder à certaines choses. Donc, en fait, c'est cool. C'est-à-dire qu'on n'est pas un héros au sens où on va sauver les choses. Par contre, on est quand même un petit peu un personnage exceptionnel qui permet d'avoir une perspective en fait exceptionnelle sur tout ce qui se passe autour de nous, et c'est ça qui rend forcément l'histoire intéressante. Mais on est globalement accepté par 90% des persos. En fait, la condition de sleeper, on s'en fout un peu. C'est pas ce truc, tu vois, un autre jeu voudrait dire voilà, c'est un jeu mature parce qu'on va vivre le racisme tout. Ou ouais, quoi. Non, là globalement, ne fais pas cette erreur là. Mais là globalement, comme dit, les gens s'en foutent et on va tous les aider. Il y a un côté ça change, mais ouais, tu vas aider tout le monde, personne ne sera vraiment méchant avec toi, les arcs vont conclure en général plutôt de bonne manière, tu vois, il y a un truc plutôt positif en fait dans le jeu. Oui, et puis surtout, c'est que les problèmes des gens, il y a toujours un moment où on les comprend, parce que justement, tu sais, c'est encore une fois, quand on s'intègre, quand tu as une œuvre qui a une lecture vraiment systémique des choses, en fait, t'as forcément cette indulgence vis-à-vis des gens et de leurs choix, parce que tu dis, ok, je comprends quelles sont tes contraintes. C'est-à-dire que le mec, là, l'espèce de chasseur de primes qui me dit, bon, bah là, je dois te mettre une balle à la tête, mais bon, j'ai le temps, je suis pas forcément pressé, parce que, bah, de toute façon, je serais payé pareil. Si toi, tu me donnes de la thune maintenant, je peux continuer à picoler tranquille. Enfin, il y a un côté, tu dis, bon, bah, ok, je comprends que cette personne, elle a aussi des impératifs derrière elle, et que, tu vois, c'est presque pas contre moi, tu vois, c'est le système qui fait ce qu'ils font. Et je trouve que quand on a une lecture comme ça, forcément, ça te pousse à prendre les gens avec du recul et d'essayer de faire que ça se passe bien, en fait, parce que tu as les tenants et les aboutissants de leur situation. Et la volonté de Garrett, justement, c'est de mettre en avant ça, parce que du coup, cette idée, alors on avait, nous, noté l'idée, tu vois, de parler d'un univers un peu hop punk, qui est un terme qui est assez récent, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui permet, en gros, d'essayer de trouver une lecture un peu positive de notre situation actuelle. Et c'est vrai que c'est un jeu où, en gros, il y a beaucoup de valeurs, tu vois, autour de la solidarité, de l'entraide, etc., qui sont mises en place. Et c'est une des citations là, de Garrett qui expliquait que, en gros, la défense, enfin, j'ai fait une traduction, on est toujours dans notre PhD traduction, la plus grande défense qu'on peut avoir à côté de tous ces systèmes comme ça hostiles, c'est en fait de mutualiser et, alors, grassroots, je sais plus comment on peut traduire en français. C'est un côté un peu l'échelle locale. D'enchevêtrer localement du mutualisme. Enfin, bref, c'est un faux ami, tu sais. C'est un faux ami. En gros, c'est le côté, c'est de la démerde, en fait. C'est du système D et de rapprocher un peu l'humain et donc de mettre en fait en avant l'humain plutôt que les différents systèmes du jeu, quoi. Et c'est là que comme tu as dit, le hope punk va se démarquer, parce qu'il y a donc un terreau, tu vois, vraiment cyberpunk, mais il y a un côté, tu vois, où le cyberpunk est beaucoup plus soit cynique, soit défaitiste. Ouais, tout à fait. Le hope punk va dire, bon, ok, on garde quand même les corpos, le système économique qui va être comme ça, mais qu'est-ce qui reste, tu vois, genre, est-ce que les gens vont vraiment abandonner? Non, tu vois, il y a une petite, ça va mettre hope punk, tu vois, l'espoir ou la résilience, c'est un mot qui est un peu à la mode aussi, mais les communautés, comment les gens vont s'organiser, est-ce que c'est pas possible, sans forcément avoir une approche révolutionnaire, je crois que ça peut être le cas, et de dire on va renverser le truc, en fait on va y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des petites communautés ou des oasis, sur, on disait, l'œil, c'est un truc un peu autogéré, est-ce que ça ne peut pas exister? En fait, il y a un côté, le cyberpunk, oui, mais après, tu vois, c'est un peu une opposition, tu vois, au nihilisme que tu peux avoir derrière ce truc de, ça va, c'est l'enfer, enfin, c'est défaitiste et tout, fataliste. Il y a un côté, voilà, est-ce qu'on ne peut pas quand même essayer de trouver du sens au milieu de tout ce merdier-là, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus crédible, en fait, qu'une histoire cyberpunk classique, tu vois, si on reprend l'autre épisode maudit Cyberpunk 2077, tu te poses pas la question de qu'est-ce qu'ils foutent les gens dans cette ville à longueur de journée, parce que t'as l'impression que, à part se droguer, tirer sur des gens et faire la course avec des voitures, ils font rien. Et là, en fait, la lecture de Citizen Sleeper, c'est plus de dire, on va essayer d'imaginer vraiment comment les gens y vivent. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que au lieu de jouer un personnage un peu omnipotent, comme ça, super puissant, qui traverse le monde sans être lié par les règles ou quoi que ce soit, et qui fait un petit peu ce qu'il a envie, là, en fait, on se retrouve avec un perso qui est comme les autres. Et j'aime beaucoup qui s'en imprègne beaucoup plus. Parce qu'on n'est pas, c'est pas un héros, c'est pas un anti-héros non plus. C'est un, c'est un personnage un peu comme un autre, tu vois. C'est de te retrouver au milieu d'une histoire qui random, est un truc un peu plus tranche de vie, quoi. C'est un observateur un peu. Et voilà, c'est vrai que ça donne une saveur assez différente à ce truc-là. On avait noté que c'était du mushroom punk, peut-être, parce que les champignons, ils ont une place. Voilà, les champignons ont une place importante. Donc voilà, s'il fallait le définir, c'est du mushroom punk. Juste pour mentionner avant qu'on passe à autre chose, c'est là qu'en fait on peut faire des liens avec la BD Frontier, qui retrouve un petit peu, tu vois, cette saveur, un peu cette thématique, sans trop en dire, mais c'est là-dessus que les deux, à mon sens, se rejoignent. Ouais, tout à fait. Il y a un vrai parallèle dans cette idée de système, de corporation, plein de trucs qui marchent pas forcément, mais d'essayer de trouver sa place au sein de tout ça et de quand même pouvoir tisser des relations avec les autres, et parce qu'il faut vivre, il faut bien vivre, donc on essaie de le faire, et il y a vraiment ce truc là et au final c'est vrai que moi je suis trop content qu'on ait pu se replonger dans Citizen Sleeper, parce que quand je l'avais fait l'année dernière, je l'avais beaucoup aimé, mais là de l'intellectualiser, d'en discuter avec vous, je me suis rendu compte que c'est vraiment tu sais, t'avais noté toi sur le conducteur que c'était un jeu qui serait un peu le zeitgeist de qu'est-ce que c'est que de vivre au sein des années 2020. Tu vois, je m'étais dit, c'est ça, si on devait expliquer aux gens ce que c'est de vivre aujourd'hui, tu vois, dans le corps de n'importe quelle personne qu'on croise sur la planète Terre, je trouve que c'est un jeu qui illustre bien tous les problèmes et toutes les angoisses qu'on peut vivre au quotidien de cette connaissance, tu vois. On est nourri d'informations de ça va mal, au niveau économique, social, enfin tu vois, tous les acquis sociaux qui régressent, et écologiquement on sait que c'est absolument une catastrophe et que ça va arriver, donc on est déjà dedans, on est déjà dedans. D'ailleurs les DLC parler un peu de ça directement. Donc il y a vraiment ce côté macro où en fait le monde qui nous entoure est absolument déprimant parce que ça va de moins en moins bien et on a du mal vraiment en étant même on a du mal à avoir de l'espoir en fait à ce niveau-là. Moi j'ai du mal à me dire que ça va vraiment aller mieux. En revanche, il y a aussi cette dualité de dire là à ce niveau-là ça va pas, mais par contre au niveau macro qu'est-ce que je peux faire encore niveau micro qu'est-ce que je peux faire au niveau intime à mon échelle à moi pour que la vie soit la plus douce quand même possible au milieu de ce truc ça, infernal. C'est vraiment un des paradoxes, je trouve, de notre époque. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes conscients à plus ou moins, alors il y a des gens qui nient la réalité, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais on est tous ou moins plus ou moins conscients de... On fonce dans le mur, mais on peut rien y faire. Et t'as cette espèce de paradoxe et... Ça demande un grand écart mental, en fait, de l'éco-anxiété, tu vois, c'est un terme qui est assez popularisé aujourd'hui et qui est bien réel, c'est de se dire, on sait qu'il y a un problème systémique qui nous dépasse, mais on a aucun moyen de l'inverser ou de renverser la vapeur en tout cas, à notre échelle individuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment nous, tu vois, chaque petite personne ne peut pas modifier le monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gros changement de paradigme par rapport aux histoires et à tout l'imaginaire dans lequel on a grandi, vous comme moi, parce qu'on n'a pas tant d'écart que ça, le héros qui va tout changer. Il va détruire l'étoile noire et c'est pas Superman. Il va rembourser la dette. Alors qu'il y a des héros qui pourraient le faire, qui pourraient rembourser la dette, mais ils veulent pas. Mais ils veulent pas, tu vois, ils en ont rien à foutre, ils préfèrent aller dans l'espace. Sur Mars, voilà, tout ça, on les emmerde très cordialement. Mais justement, tu vois, c'est vraiment, je trouve qu'on est dans un changement de l'imaginaire, de ce qu'on peut faire, et on en parlait en off, tu vois. Moi aujourd'hui, quand on me raconte une histoire d'un personnage qui va sauver le monde ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre parce que je sais que c'est des conneries, et tu vois, il y a une espèce de désillusion, c'est fini, tu vois, cette histoire là ça marchait quand on était enfant, on pouvait nous faire croire ces conneries. Aujourd'hui on sait que ça n'est pas vrai et le monde est devenu tellement complexe, et on est dans une grosse partie dans une réalité assez cyberpunk aujourd'hui, notre quotidien. Tu vois, je trouve que le jeu permet vraiment de nous faire vivre ça et de mettre des mots et de, tu vois, de nous donner quand même une espèce d'idée de c'est pas tout catastrophique, on peut quand même faire des petites choses, on peut rencontrer deux personnes au Shadok et faire fin du game. Incroyable. Tu vois, il peut se passer trucs. On peut faire des choses comme ça. Non, mais c'est vrai que tu vois, parce que l'idée c'est pas non plus de cracher sur les Power Fantasy et tout, parce que ça peut être divertissant, parce c'est fun et c'est très bien, mais c'est cool aussi de voir des jeux vidéo qui vont explorer d'autres histoires et en fait et d'autres modèles narratifs. Et je pense que le jeu vidéo en a cruellement besoin parce que faut aussi montrer qu'on peut raconter ça, explorer des choses. Et en plus, là, on le voit bien parce qu'on a parlé de tout ce système de gestion de survie et tout. Ça aussi, ça participe à raconter raconter quelque chose. C'est créateur, c'est vecteur de discours aussi et d'idées et de réflexion. Et l'expérience que provoque Citizen Sleeper ne serait pas la même si on faisait juste la lire. Tu vois, tout ce lien entre le système économique. Vraiment, narrativement, c'est des codes du jeu vidéo qui vont essayer d'explorer ça. On pourrait dire, c'est juste un jeu où on lit et tout. Mais en fait, les petites subtilités ici et là font que ça donne une lecture et une expérience qui est assez spécifique et que seulement des jeux comme ça peuvent donner, comme c'était le cas même avec Disco Elysium, quoi. Et puis, je pars sur un tunnel. Dernier truc que je voulais dire, moi, que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que ce Citizen Sleeper, c'est aussi un jeu qui a été fait en 2 ans. Garrett s'était dit, je me lance dans ce projet-là, je suis accompagné de ces 2 personnes, on le fait bien, on le fait correctement, on est entouré, on a un éditeur qui nous suit, etc. Il y a un côté un peu lucide dans la production, et tu vois, après In Other Waters, de pas forcément partir dans tous les sens, faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de rester sur un terrain assez balisé. En interview, Yael dit beaucoup, tu vois, que tout était quand même globalement planifié, que ça s'est bien passé. Il y a même un truc qu'Yael dit, que souvent, les jeux indépendants, on entend que ça a été l'enfer, que ça a été un cauchemar, que ça a pris des proportions. Ça a pas du tout été le cas pour Citizen Sleeper, et Yael disait que justement, peut-être que c'est parce qu'Yael est arrivé au développement un peu sur le tard et qui elle connaît mieux ses envies, ses besoins et un peu plus de lucidité et d'aborder les choses correctement pour que ça s'intègre bien dans sa vie. Et ça, je trouve ça cool parce que je trouve un vrai écho dans le jeu, tu vois, dans cette espèce de sérénité malgré toutes les conditions globales qui sont pas ouf. Tu vois, se dire, on va quand même prendre le temps de faire notre truc parce que ça a du sens pour nous et on essaie de le faire correctement de manière économique, éthique et que ça marche pour toutes les personnes qui sont impliquées dedans. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette, quoi. On retrouve en fait cette idée que, tu vois, il n'y a pas besoin de sauver le monde. En fait, on n'a pas besoin de se mettre des objectifs complètement irréalistes. Et c'est vrai que un des, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de pièges quand on fait des jeux vidéo, mais un des pièges, c'est de faire un scope, donc de dimensionner, de vouloir faire un projet beaucoup trop gros par rapport à nos moyens. Et là, bon, bah, on sent bien qu'en fait, c'est un jeu qui est à la hauteur. Tu vois, Singelin, il est très bon pour du dessin, bah, du coup, il fait du dessin. Amos Roddy, il fait de la bonne musique, il fait de la bonne musique. Et Gareth, aime bien les interfaces et l'écriture. Et donc, on a un jeu, parce que bon, la représentation 3D de la station, elle est très sommaire. Oui, oui, non, c'est un jeu, encore une fois, qui est peut-être un petit peu moins austère qu'Inode Waters. Ouais. Mais voilà, c'est très épuré hein, quand même. Ouais. C'est vraiment un jeu où on lit globalement. Il y a un petit personnage qui est là, il y a la petite musique et c'est ce mood-là. Hein. Il n'y a pas d'animation, pas de cinématique, de machin. Vraiment, c'est un jeu qui se passe beaucoup dans notre tête, encore une fois. C'est d'ailleurs juste pour la petite anecdote, une petite barrière que j'avais au début, j'avais du mal à me projeter en fait sur ce à quoi ressemblait vraiment la station, parce qu'on parle à la fois de bâtiments résidentiels où t'as le cuisinier, et là j'imagine beaucoup du cyberpunk avec du béton, tu vois, un peu à la Blade Runner, mais c'est une station spatiale, donc t'as du mal à imaginer autre chose que des trucs très lisses en métal, ouais. Et ce qui est peut-être ça, hein, mais tu vois, il y avait un côté, j'avais un petit patchwork en fait de références qui se collaient en fonction des situations. Je pense que tu vois, toute mon adolescence nourrie à Blame me permettait d'avoir une vision assez dégueulasse de l'espace. Tant qu'on est dans les mini recommandations manga, moi je vous recommande un manga qui s'appelle Planète, qui parle des boueurs de l'espace aussi, et c'est pareil, tu vois, c'est leur quotidien. Ils partent en mission 6 mois pour nettoyer le bordel autour de la planète Terre pour laisser passer les fusées. Et c'est très très cool, et je pense que ça pourrait résonner aussi, si vous avez bien aimé Citizen Sleeper, ça devrait vous plaire. Mais c'est vrai que ouais, c'est un jeu qui demande aussi de projeter ses propres références, parce que justement c'est beaucoup du texte et tout, donc il y a quelque chose, il y a des trucs qui nous accompagnent, les dessins de Guillaume, voilà, les persos qui sont absolument magnifiques. On comprend bien, tu vois ce qui se passe, on voit bien, il y a un côté un peu crado, tu vois bien les fringues, ils sont dégueulasses, il y a de l'huile, il y a des tubes, il y a des machins, il y a des bidules, tu sens que voilà, bon, c'est pas le... Mais aussi les trucs un peu luminescents, tu vois, il y a des petites diodes, il y a des machins, des petits équipements, voilà. Il y a des vaisseaux qui arrivent, qu'on peut un peu démonter. Donc t'arrives bien à te représenter quand même malgré tout, et je pense qu'on a tous les trois une image très différente de si on arrivait à la sortir de notre cerveau et la mettre comme ça. Mais le jeu parvient assez bien justement avec ce couple musique, illustration, histoire et un trouple. Même plus qu'un couple en fait. C'est un ensemble. Souvent tu sais on dit que les jeux c'est plein de choses différentes, mais non, là c'est vraiment un assemblage de choses qui fonctionnent ensemble. Le système de jeu, on l'a dit, sans ça, on perd un peu un truc. Le visuel il est important, la musique elle est importante, le texte est important également. Il n'y a pas un truc qui est plus important que les autres, c'est vraiment l'ensemble de tous ces éléments qui fonctionnent ensemble et qui donnent un jeu vraiment assez unique au final. Et qui est bien scopé, tu vois, qui est bien maîtrisé. Et moi, c'est un jeu, je trouve, qui réussit globalement tout ce qu'il entreprend. Donc, une vraie réussite pour ce deuxième jeu. Et c'est pas fini, puisque du coup, là, on avait l'anniversaire des 1 an. On aurait pu se dire que voilà, bon, déjà, il y a eu les DLC et tout. Est-ce qu'il y aura une suite ? Non, a priori, il n'y aura pas de suite. Par contre, Amos, Guillaume et Gareth. Ils rempilent ensemble pour un nouveau projet. Donc voilà, toute cette petite team-là se relance dans un autre projet. Et justement, ça va être annoncé là, quasiment au moment. Enfin, c'est hier, dimanche, je crois. Hier, donc nous, on enregistre le mardi. Lundi soir, Maxime nous partageait sur le Discord qu'il y avait l'annonce qu'il y aurait un reveal donc, du prochain jeu. Ce sera dimanche, un ou deux jours après la diffusion. Donc voilà, si vous écoutez l'épisode Day One. L'idéologisme, je peux y aller, je peux parler dans d'autres langues, il n'y a pas de problème. Mais vous pourrez découvrir ça, donc on est assez impatients de voir ce sera la suite. En tout cas, moi, c'est un jeu que je surveillerai absolument et voilà, très curieux de découvrir les autres histoires que ces gens-là pourront nous raconter. Et moi, un truc sur lequel j'avais envie d'ouvrir un petit peu cette fin d'épisode, c'était de dire que je trouve que leur approche du jeu de rôle, elle est vraiment intéressante parce qu'on est en train d'assister... tu vois, moi, je me suis pas mal intéressé au jeu de rôle parce que j'ai écrit un bouquin sur Diablo et sur The Witcher qui sont deux jeux assez importants dans leur style, et The Witcher, tu vois, on avait du mal à le qualifier, c'était pas un RPG occidental, c'était pas du JRPG, il y avait un petit peu un mix des deux, il y avait un côté un personnage qu'on incarne qui est déjà intégré, etc. Et je trouve que Citizen Sleeper, après Disco Elysium en fait, je vais rentrer dans mon mini tunnel tout seul, mais tu sais, il y a une espèce d'évolution du jeu de rôle où on est en train d'assister à quelque chose de différent. On est moins dans du jeu de rôle sauver l'univers, le système est super important, on gagne de l'XP. On est plus sur du les interactions, nos petites actions au quotidien, notre petite gestion de nos petits moyens, etc. Et je trouve qu'on assiste vraiment à un truc assez différent. Et même si ça va pas se retranscrire dans les triple A, surtout que je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est que de dire, tu vois, que le jeu de rôle, c'est le RPG, et que c'est devenu vraiment une surcouche maintenant qui s'applique à énormément de jeux par des systèmes justement de progression, et etc. Les armes jaunes qui sont moins bien que les armes de compétences, vous connaissez, mais ça c'est vraiment c'est quelque chose qui a vraiment infusé dans une grosse partie de la culture jeu vidéo. Et là, comme tu le dis, je trouve, en tout cas moi qui suis justement qui n'ai pas forcément grandi avec le jeu de rôle, c'est marrant parce qu'on a parlé de Fallout là il y a quelques temps, donc tu vois j'ai fait une plongée dans ce CRPG là, mais tu vois des jeux comme Disco Elysium et comme Citizen Sleeper, ça me parle beaucoup. Et pendant longtemps moi j'ai pas trop compris, tu vois, genre le jeu de rôle, je suis un peu mitigé, tu vois. Et justement ces jeux là je les apprécie vraiment pour ça et pour ce qu'ils me font incarner, ce qu'ils me font comprendre avec les interactions avec des PNJ, des humains et des histoires avec soi, tu vois, comment tu te construis comme ça. Et ouais, je suis d'accord, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu différent. De toute façon, Disco Elysium a quand même été important, je pense, dans ce qu'il a montré qu'on pouvait faire, et il disait, on peut trouver vraiment du succès avec ça, même si, bon, Disco Elysium, c'est beaucoup plus vendu que Citizen Sleeper, mais néanmoins, on sent que, voilà, il y a d'autres pistes et d'autres expérimentations qui vont être possibles avec ce genre-là, et c'est trop bien, en fait, parce que ça montre que, tu vois, les choses ne meurent jamais vraiment, que des choses qui sont mises un peu de côté au profit d'autres peuvent revenir sur le devant de la scène, peuvent en tout cas trouver une manière d'exister aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même vraiment cool, tout ce qui se passe dans le paysage vidéoludique, j'ai envie de dire. C'est bon, le mot est lâché, on peut fermer la boutique. On peut cutter, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce jeu qui nous a pas mal parlé et fait réfléchir, et ça c'est vraiment cool d'avoir des jeux qui peuvent nous emmener aussi dans des thématiques qui trouvent des échos dans nos vies réelles. On vous remercie de nous avoir écoutés, on remercie aussi notre sponsor Topacha. Si vous voulez vous faire un PC pour jouer à Citizen Sleeper, vous allez avoir besoin d'une grosse machine, autant le dire, mais voilà, vous pouvez aller sur leur site pour vraiment composer votre machine selon tous vos critères, et puis n'hésitez pas à les pinguer sur les réseaux, vous dites fin du game, ils ont dit vous pouvez pinguer, donc allez-y, n'hésitez pas à faire du name dropping, c'est possible. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, on vous en remerciera énormément, ça nous permet d'aborder la suite avec un maximum de sérénité. On aura plus de dés le matin. Exactement, on aura plus de dés les matins, donnez-nous des dés. Et ça se passera bien, merci beaucoup, on se retrouve dans 2 ou 3 semaines, je sais pas, peut-être, non. Normalement, c'est deux semaines, pour parler de Psychonauts 2, il me semble. Voilà, on va rester dans l'univers intérieur. Là, on va rentrer encore une fois dans la psyché des gens. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao.